Il n'a pas marché aussi, c'est rigolo. Bonsoir Tonaï, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va, ça va. Dis-donc, j'ai l'impression que t'es encore en vacances. Pff, ouais. Ça veut dire que pour les gens, tu vas être en vacances depuis tellement longtemps. Mais ouais. C'est un truc de fou. Ouais, c'est vrai. est-ce que ce serait pas le moment d'attaquer la 30e chronique? Eh ouais, déjà? Ouais. Oh, c'est fou. Hein. Est-ce que tu sais combien il y en aura en toute chronique? Oui, si tu le sais, ne le dis pas. Mais non, est-ce que tu te rappelles plutôt? Parce que tu me l'as dit. Hein. Ah bon, bah, je te l'ai dit. Je me rappelle pas. C'est vrai? Non. Ok. Ah, c'est ça. Alors, c'est moi, des fois, je suis obligé de faire du tri dans mes infos. Ok, alors, je te fais les signes avec les mains et tu le dis pas à voix haute. Ok. Il en reste? 5, 10, 15. Oh ouais. Oh ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais. Ah, ouais, jamais avoir assez de vacances. Ça va être long. Est-ce que c'est pas le moment que tu nous gratifies de l'un de tes si magnifiques génériques? Ok, Jack. Allez, en scène, mon gars. On va les attraper, tes bêtes cornes. Allez. Ah, c'est. Waouh. C'était pas. Ok. Bon, bah, générique alors. T'as un lien avec eux, un petit peu. Bah, non. Bah, si, tu peux quand même. T'as fait un cheval. Bah, je suis un cowboy et tout. Mais c'est pas du tout un lien. Ah, bah, non. Moi, j'avais l'impression. Mais non, il aurait fallu que tu fasses tchou tchou. Là, il y avait un lien. Ouais, ah ouais, c'est vrai aussi. Bah oui. Ah, mort de rire. Bon, allez, générique. Non, mais c'est parce que moi, je pensais à l'époque. Je pensais un peu à l'époque, tu sais, les cowboys, le Texas, tout ça, le sud de l'Amérique. Yeah. Ouais. Mais pas du tout. Bon, bref. Merde. Bon, bah, générique. Allez, générique. On va parler d'un groupe américain qui n'est pas un groupe de cow-boys. Non. Qui fait plutôt un peu dans le un stoner. Groupe de saloon. Plutôt dans le stoner rock, hard rock, blues rock, d'ailleurs rock sudiste, heavy metal. D'ailleurs, eux, ils ont quand même plutôt tendance à dire, en l'occurrence, que c'est un groupe de blues qui ont tendance à accélérer un peu les choses. Ils parlent okay. de ce principe-là. Okay. Ouais. Enfin, d'après ce qu'ils disent. Blues un petit peu plus énergique, quoi. Ouais. Est-ce que t'as une idée du nom de ce groupe où il n'y aura pas le mot cheval dedans? The Midnight Horse Train. Mais non, mais t'es un malade. T'es un... The Midnight Ghost Train. Voilà, maintenant fais ça. Mais oui, fais la traduction. Le fantôme du. Oh, le fantôme. laisse tomber, c'est pas grave. Le train de minuit. Avec enfin, le fantôme. Voilà, c'est ça. Donc on va parler de Midnight Ghost Train. Ah, j'ai pas envie d'arrêter, hein. Ah, j'ai pas envie d'arrêter. Donc, The Midnight Ghost Train, donc, comme j'ai dit, qui est un groupe un peu de stoner, d'hard rock, de blues rock, de rock sudiste et tout ça, qui vient pour la deuxième fois à Hellfest seulement. Ah ouais? La première fois était en 2015. Ah, la vache. Et je ne les ai pas vus parce que je découvre cette année ce groupe encore. C'est le deuxième groupe que je découvre là. 2015, tu les as loupés alors? Mais je les ai, attends. J'arrive en 2015, moi, j'allais voir Slipknot, j'allais voir des groupes de main stage. J'avais pas préparé ton Hellfest. Mais pas du tout, moi je suivais Bob. Non, bah, il y avait pas des podcasts pour t'aider à bien préparer ton... Non, il y avait pas de podcast, c'est pour ça que je me suis dit tiens, je vais le faire. Ah, c'est comme ça que t'as eu l'idée. Bah, plus ou moins. Dis, putain, j'ai pas vu beaucoup de groupes. Hein, bah non, j'ai vu des... mon temps, j'avais pas en fait, c'est surtout que j'avais pas bien préparé, donc j'avais une grosse ignorance des groupes qui jouaient. Mmh. Et en plus, à côté de ça, bah moi, j'ai beaucoup suivi Bob, sauf les groupes que je connaissais et que je voulais voir, mais j'ai beaucoup suivi en mode bah tiens, vas-y, fais-moi découvrir tel ou tel truc. Donc on a été beaucoup à la vallée, on a découvert. Il m'a pas fait découvrir ce groupe-là. Ou alors, à l'époque, il passait face à un groupe que moi je voulais voir. Ah ouais. Ça, c'est possible. Okay. Du coup, j'ai quand même regardé, parce que je voulais vérifier sur le running order pour savoir si soit. De 2015? Ouais. Soit Bob m'a pas emmené, il connaissait peut-être pas lui-même le groupe. Parce que, ouais, c'est possible. Hein. Ce que j'étonne, bon, bah, en même temps, c'est quand même un groupe très bobcore. Hein, c'est-à-dire, ça coche toutes les cases de son truc. Hein, ah ouais, on imagine bien. Donc, ah oui, parlons un petit peu quand même de ce groupe. Donc, Du coup, que j'ai mal traduit, j'imagine. En non, français, bah, t'as dit tous les mots, mais tu les as mélangés. Ouais, bah, c'est ça le problème avec moi. T'as dit train, fantôme, minuit, on se démerde avec ça. Donc, à l'origine, il est formé par Steve Moth à Buffalo. C'est là qu'il a un peu créé le groupe avant de déménager au Kansas où là après ils ont eu leur studio d'enregistrement, un studio en analogique, donc ils font tout chez eux maintenant, ils sont voilà, autonomes, quasiment autonomes, oui mais en analogique, donc ça coûte plus cher que le numérique, tu sais, c'est vrai, avec des bandes à l'ancienne. Ouais mais bon, oui bah après toi, tu t'en fous hein. Voilà, tout à fait, complètement. C'est pour ça qu'ils n'hésitent pas à enregistrer des trucs eux-mêmes en 2008, en 2009 des EP, enfin en 2008 un EP, en 2009 un premier album studio au doux nom de The Midnight Ghost Train, et qui direct un ouais, petit le peu un fantôme de minuit par exemple, et qui va directement en fait nous montrer que le... nous présenter quelqu'un, donc comme je l'ai dit, Steve Moth, qui a une voix comme on a pu entendre dans l'extrait, sa voix, mais elle est ouf, elle est badass, elle est un truc de malade parce que elle se mélange autant au stoner qu'à tous les autres styles que le groupe peut proposer. Parce qu'on vous a dit des trucs comme heavy, stoner et autres, mais en fait ça serait vraiment un peu limité tellement ils sont capables de tout, comme par exemple sur le dernier album. Est-ce que tu nous parlais de ce qui se passe sur le dernier album, Tenaille? Le dernier album qui... Alors attends que je me rappelle un peu. Tu m'as dit un truc en arrivant tout à l'heure, t'as fait des recherches, t'as vu ça? Ah oui. Alors qu'est-ce qui se passe? Ah, on parle de du petit morceau, alors attends, c'est quel le titre? Pas grave, dis ce que c'est. Ah, The Boogie Down. Qu'est-ce qu'il y a comme particularité? Eh ben, il est phrasé vachement hip-hop parce qu'il doit y avoir un rappeur. Il y a Sonny Chiba. Sonny Chiba, ouais, ouais, de Camplo. C'est ça. Ouais. Oui, effectivement, c'est un morceau de hip-hop. Ouais. Parce que le groupe, en fait, se met. Non, un phrasé non. Hip-hop quand même. Voilà, ouais, mais... une musique pas trop trop hip-hop. Non, mais dans le sens où le groupe ne s'interdit rien, en fait. C'est ça que. Parce que si tu écoutes. C'est vraiment le dernier album qui sort du lot quand même. Non, il y avait. Enfin, de ce côté-là, tu veux dire qu'il est plus ouvert? Ouais. Alors c'est normal, mais je vais t'expliquer pourquoi. D'accord. Mais il y a ça, et si tu regardes bien dans le tout dernier morceau, et quand il parle, c'est pas du hip-hop, mais c'est pas non plus du rock et tout. C'est un slam américain. Bah ouais, c'est un slam américain, donc tu veux, il s'impose en rien. Et en fait, c'est marrant ce que tu dis par rapport au fait. Que c'est vraiment sur le dernier album, c'est parce qu'en fait quand lui il parle du principe que eux ils jouent du blues, ils l'accélèrent et après ils ajoutent des surmultiplications de tout ce qu'ils font. Okay. Mais tout ce qu'ils font ça vient du blues pour eux. Par exemple, ils écrivent les chansons pendant la tournée, ils les essayent sur scène, ils réparent ce qui doit être réparé, ils essayent tout le temps des chansons en live pour avoir la meilleure façon de se rendre compte de ce que ça va donner. Mm-hmm. Et pour les paroles, c'est la même chose. Ils les improvisent en direct. Il invente des paroles différentes tous les soirs jusqu'à ce que quelque chose colle dans sa tête. Okay. Là, ça prenne sens, quoi. Voilà. Et pour lui, c'est sa manière de faire la musique. Il dit, nous avons les règles et nous pouvons les briser si nous le voulons. Oui, bah, il a bien. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur le dernier album. Mmh, mmh, ils ont pas du tout fait ça. C'est la première fois qu'ils se sont concentrés en mode enregistrement studio à créer les chansons dans cet endroit-là, en fait. C'était plus testé sur scène, plus en improvisant. Okay. C'était plus totalement en improvisant. C'était une, voilà. C'est un peu différent de ça, tu vois, quoi. Ok, ils ont changé un petit peu leur. Ils ont changé, ce qui leur a permis justement de tester d'autres trucs. Mm. Tu vois, j'ai cru lire qu'il y a tel ou tel morceau, les paroles, il les a faites en une traite directe d'un coup. Mm. Il y en a un autre, ça a été recommencé plein de fois. Tu vois, tout a été fait d'une manière un peu différente. Mais après, il faut aussi noter que c'est un groupe qui hésite pas à faire des reprises, comme ils ont fait une reprise de Nina Simone, ou ils ont fait, par exemple, une reprise de Lady Belly de Cottonfield. Ah oui, ok. A cappella. Ah, ouais. Voilà, ils ont fait des trucs comme ça. Et ce qui est marrant, en plus avec, en fait, ce qui est marrant, c'est que quand tu lis un peu l'histoire du groupe et tout, c'est des mecs le plus classique de base de tout. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont trois. Donc, il y a un guitariste, ils sont trois. Guitariste, bassiste, batteur. Ouais. D'accord? Ils gèrent tout. Il dit, le mec, il lui pose la question, vous tournez, j'ai vu que vous tourniez 9 mois par année. Il fait, ouais. Vous faites quoi les trois autres? Il dit, je passe mon temps à aimer ma femme et mes chiens. J'essaye aussi de voir quelques matchs de baseball. Ouais, voilà. Et il n'y a pas d'autres activités? Il dit, non, parce qu'en plus, j'aurais pas le temps, tout ça. ça veut dire qu'il en a plein d'activités, mais il veut le garder pour lui, quoi. Non, mais il est en mode, tranquille. Quoi, non, ouais, parce qu'il dit, mais, pourquoi vous tournez 9 mois? Il dit bah parce que c'est comme ça que je gagne ma vie, donc bah voilà, tu vois, il fait ça comme ça. Pas besoin d'en faire plus, c'est très bien comme ça. Bah non, voilà, tu vois, il est là et par exemple on lui dit mais vous faites une musique un peu qualifiée de stoner alors que, et vous êtes un peu une espèce d'une figure de cette scène alors que vous buvez pas et vous consommez pas de drogue. Il dit bah lui il répond que je pense peu importe l'étiquette que tu colles à la musique, je suis content de la pratiquer, peu importe que ça s'appelle du stoner ou autrement. D'ailleurs, pour faire ce que je fais sur scène, je ne pense pas que j'en serais capable si je buvais ou prenais de la drogue. C'est mon job et je considère que je dois prendre cette chose sérieusement. Et après, le mec, il dit ah, « La dernière fois que je t'ai croisé, tu conduisais aussi le van. C'est quoi vos conditions pour la tournée actuelle ?» Il dit « Nous sommes comme d'habitude uniquement tous les trois, sans personne pour assurer les tâches comme conduire, faire le roadie ou autre. » Donc le mec... Ok, ils s'assument comme ils sont, terminés, venez pas nous emmerder, on vient vous livrer notre truc. Mais c'est ça, c'est lui, c'est lui-même qui va conduire son van. Et en gros, il disait, ouais, mais là, vous allez avoir quelques jours de repos. Bah, tu sais, en général, les jours de repos, c'est quand on va d'un endroit A à un endroit B. Donc, ouais, on se repose pas vraiment. Donc, effectivement, j'ai fait 4-5 fois le tour de l'Europe. T'imagines trop les gars, ouais, allô, les potes. Ouais, bah, on vient de m'appeler, là, on nous propose de jouer à tel endroit. Ouais, ouais, ouais, bah, je viens vous chercher. Ouais, bah, ça passe. Allez, hop. Non, non, mais c'est, tu vois, mais, et il dit aussi que justement, donc, c'est le dernier album en date, donc, Cypress Ave, qui montre vraiment leur amour du blues, du jazz, de Tom Waits, parce qu'ils ont aussi fait une reprise de Tom Waits. Donc, vraiment, il y a tout ce truc-là qui a été mis en avant parce que il date de 2017, Cypress Ave, et en 2018, t'as vu, le groupe s'arrête. Ah non, j'ai pas vu. Bah, en fait, c'est pas possible qu'ils s'arrêtent, ils seraient pas au Hellfest. Eh non, mais en 2018, ils ont mis fin à leur activité afin de se concentrer davantage sur la vie de famille. D'accord. Voilà. Okay. Et en 2025, le groupe annonce une tournée européenne avec un arrêt au Hellfest. Donc c'est encore un groupe qui revient lui aussi d'entre tout ce que tu veux que tu reviennes. Mais c'est assez fou quoi. 2008-2018, je l'ai peut-être pas dit, ouais, ils ont été formés en 2008. Donc 2008 à 2018, 10 ans. Ouais, 10 ans, ils arrêtent. Ouais. Et puis, 7 ans plus tard, ils reprennent, ouais, une connerie comme ça. Bah, ils font ce qu'ils ont, leur truc comme ils l'ont. C'est pour ça que je te dis que c'est le gars, il a l'air trop normal, quoi. Bah, on doit faire la musique, bah, ok, bah, on tourne, bon, on arrête de tourner, on arrête, bon, bah, on arrête. Ouais, le gars est tranquille. Faut aller faire des concerts? Ouais, pas de problème, bah, je vais conduire le van, c'est pas un souci. Attendez, j'appelle les potes d'abord, parce que s'ils sont pas chauds, je suis pas chaud tout seul. Ouais, non, mais tu vois, il y a un truc un peu comme ça, et c'est ça que j'ai trouvé fou. Et donc, je connaissais pas ce groupe, et moi, musicalement, mais j'ai kiffé, mais j'ai tout adoré. Ouais. J'ai adoré de A à Z. Tu vois, là, pour moi, mais au premier morceau, au premier titre que j'ai, aux 10 premières secondes, c'était quasiment un immanquable. Ah ouais. Ah ouais, non, mais vraiment, c'est un truc. Quand même. Bah écoute, je vais te mettre je vais juste mettre le morceau, le début. Si je dis pas de conneries, on va voir. Et normalement, ça fonctionne. Le premier album? Non, non, je sais plus quel c'est, lequel c'est. Ah bah attends, c'est celui-là. Tac, regarde, je vais te mettre. Regarde. Si je dis pas de conneries. On l'a ou pas là? On l'a pas, on n'a pas de son. Attends, c'est quoi? Attends. Hop. Comment bien perdre du temps? Oh, c'est pas du temps de perdu. Non, mais... Ça se trouve, je me trompe, c'est passé. C'est pas le... Ah, ça m'étonnerait. Oh, tu peux pas te tromper quand même. Je sais pas, il dure une minute et il s'arrête le truc après. Donc... C'est peut-être l'intro ou celle d'après alors? Ouais, mais ça correspond pas. Bah moi là ça c'était plié. Hein. Tu vois? Ça? Ça allez moi, c'était plié. C'était plié pour allez, moi. Hop. Je dis ok. Et quand tu continues à approfondir, je dis bah ouais grave en fait. Parce que justement la voix, il en fait ce qu'il en veut de sa voix en plus. Il a une voix de ouf malade et il pourrait chanter n'importe quoi, interpréter n'importe quoi, ça serait top. Mais ça, c'est ce que moi j'en ai pensé. Ça a été une putain de découverte et je suis trop content d'avoir découvert. Ce sera un immanquable assuré pour moi. Ça, c'est sûr. Et je sais pas qui joue en face et je vais pas regarder comme ça. J'aurais pas l'air d'un con quand je pourrais pas y aller. Mais en l'occurrence, j'ai adoré. Mais toi, Tonaille, qu'est-ce que t'as pensé de cette découverte? Eh ben, moi, j'ai un petit peu plus écouté que toi. Je me suis pas arrêté à 15 secondes. Mais non, mais... bien vu, je rigole. Mais évidemment, ouais, c'est super cool. C'est vraiment le mot qui en ressort pour moi, c'est le côté super cool. Alors, je faisais un petit peu des blagues sur le côté un peu western, mais j'avais l'impression que ça sortait un peu de cet univers. Je sais pas pourquoi. Peut-être côté un peu bluesy ou j'en sais peut-être, rien. Peut-être. Je sais pas trop. Donc. J'imaginais très bien les bagarres dans les saloons avec bah, ouais, vraiment mais ouais non c'est super cool franchement alors je crois que j'ai quasiment tout écouté parce que le problème que tu vas avoir si t'écoutes tout c'est que tu vas être frustré que t'as pas tant à écouter. Hein. Non, ça non, va t'as assez pas vite, beaucoup. Hein. Non, ça regarde, je crois que le deuxième album, Buffalo, il dure à peine une demi-heure, je crois. Ouais. Il t'enchaîne. Ouais, mais c'est... Moi, je l'ai commencé à l'écouter. Je prenais mes notes, j'écoutais, machin. J'ai halluciné, il était fini. Ouais, mais donc, ça passe trop vite. Ouais, mais une demi-heure, tu vois, j'ai fait une petite interview tout à l'heure, où on en parlait, et je disais que moi, une demi-heure, 40 minutes, c'est le temps idéal pour moi. C'est... Vraiment... Ah ouais, après, ça dépend, hein. Mais, après, c'est pas pour dire que c'était trop long ou trop court, c'est juste pour dire que, t'as pas le temps, c'est passé, comme une lettre à la poste, quoi, direct. Ah, mais c'est, ouais. Mais c'est vrai que, voilà, et tu vois, pour dire, je crois qu'ils font des longs morceaux sur le premier. Mm-hmm. Genre le l'éponyme là, ils font des longs morceaux et tout, et c'est vrai que le Buffalo derrière ça va trop vite. Non mais c'est vrai, je veux dire, j'ai bien écouté le premier et tout, j'ai trouvé ça super cool, il a une voix badass. Ah, de ouf. Ah ouais, de ouf. Et c'est vrai que sur le Buffalo, je te dis, je fais, oh bah OK, déjà fini, très bien. Bah, bah, il fait 35 minutes d'après. Le premier. Ouais, non mais j'ai trouvé bah non mais tu vois 35 passé... 30. Ouais, non mais c'est vrai que 5 minutes non, c'est un morceau. Non, par contre, puis, il fait 50 minutes le 3. Cypress Hive, il fait 50 minutes. Ouais. Et. Ah bah attends, je te dis de la merde. Ah non, oui, effectivement. Non, le premier, t'as raison, il fait 59 minutes. Ouais, il fait une heure. Ouais, c'est ça. Non, mais il y a des morceaux très longs. Bon, après, c'est pas pour dire qu'ils font que des morceaux longs, mais c'est vrai que le premier. Ouais, non, j'ai kiffé les rythmes un peu tribal. Enfin, tout est cool, badass. Tu passes un bon moment. Et donc, le troisième, pareil, il est passé tout seul. J'ai pas noté de morceaux alors que j'ai pas à dire au bien ou pas bien, hein, mais qui sortaient un petit peu du lot dans le sens où le dernier album est arrivé et là j'ai fait un peu what the fuck quand même dans le sens où tu fais waouh, ok, d'accord, ok, donc là ils ont envie de tester, ils ont envie de tester. Voilà, de voyager, de faire des trucs, ouais. Je sais pas, même la voix je l'ai trouvé un peu moins badass. Ah ouais, complètement, je l'ai trouvé moins comment dire là, elle est moins animale mais elle est plus posé en fait. Ah non mais voilà. Eh oui. Du coup ça donne un petit peu moins cet effet badass, mais ça reste la même voix très bien, mais oui, il y a une intensité badass beaucoup plus faible. Mais en tout cas en termes de comment dire de recherche tout ça, là on va dans un autre truc. Alors c'est vrai que les fans des premières heures pourraient peut-être, je pense que c'est l'album qui va peut-être diviser un petit peu divisé. Ah oui, parce que 2018 c'est ça sûr. Ça remonte mais hein. Parce que là, c'est vrai que The Boogie Down, là, tu fais « Wow, délire !» Ouais, mais j'ai pas su tout de suite, moi, en plus. Je fais « C'est quoi cette voix ?» J'ai bien aimé, hein. J'ai bien aimé. Ouais, hein. Cet album-là, je l'ai bien aimé, hein, en vrai, le dernier. Mais c'est une chanson, tu vois, c'est... Non, mais tout l'album. Non, mais l'album, oui, mais... Il te fait quand même. Oui, mais parce que... Mais en même temps, c'est bien, parce que c'est un groupe qui a su... tester des choses quoi. Ah bah non mais c'est sûr que des fois il y a ouais mais c'est ça, c'est que des fois t'as des gens ils font ouais ils essaient de changer, moi je préférais avant. Bon, c'est le côté qui divise, c'est sûr. Non mais je comprends, moi aussi le premier des fois quand il y a un groupe que j'aime bien s'il va revenir avec un truc totalement différent, mais pour moi c'est, tu vois, quand on sait que justement le processus d'enregistrement et de composition était différent, tu comprends comment ils en sont arrivés là. Après ça voulait pas forcément dire que tout serait pareil derrière. Bah ouais. Mais comme ils se sont arrêtés là. Oui, ça aurait été bizarre d'entendre ouais, on a décidé de changer un petit peu notre manière de faire et d'obtenir exactement la même chose. Tu te dis ils savent faire que la même chose. C'est ça. Tu vois, quelque part. Mais là du tout c'est pas du tout le cas, on voit qu'ils ont pris une certaine liberté, ça reste toujours aussi cool par contre. Bah toujours. C'est ça hein, c'est ça qui leur sort, c'est que ça reste super cool quoi. Et t'as regardé des lives ? Alors des lives, je crois qu'alors malheureusement, j'ai pas ce groupe là je l'ai un petit peu enchaîné et j'ai pas eu le temps de regarder des lives, mais j'en regarderai et j'ose imaginer que ça soit aussi cool que je l'imagine quoi. Je pense, moi j'ai les lives que j'ai regardé, je me dis putain c'est bien, c'est top. Ah ouais. Ouais c'est top. C'est pas forcément le même waouh que j'ai eu parce que comme 2018-2025 quoi. Le même waouh. À l'écoute en même temps j'ai pas vu d'album, j'ai pas vu de live récent donc je crois pas que j'ai pas eu de live récent. J'ai un doute maintenant. J'ai peut-être pas vu de live si récent que ça. Mais sinon ça a de la patate, ça envoie et il y a un truc ça je viens de me rappeler, oui, il y a même en plus le batteur, il a un petit regard tu sais en mode on est en train de faire un truc trop cool quoi. Donc ça c'était très bien. Ouais. Du coup Tonai, ton bilan, ton avis, qu'est-ce que tu fais, tu vas voir, tu vas pas voir, immanquable, pas immanquable? J'aurais envie d'aller les voir. Ouais. Moi je dirais oui, sans me poser la question à savoir qui y aurait en face. Je dirais oui naturellement, je pense, parce que mais pas un immanquable. Mais pas un immanquable. Aïe. Non parce que c'est vrai que mis à part le dernier album, quand t'enchaînes les trois, ouais. C'est pas. Ils ont leur style, mais il n'y a pas d'originalité quand tu enchaînes les trois albums, tu vois. Toi, ça c'était très bien. Ouais, mais il y a pas eu le voilà, il y a pas eu le truc en plus. Ouais. D'accord. Ah, bah, le truc en plus, c'était déjà très cool de base. Oui, hein, oui, attention, oui. Hein, c'est sur une jauge de coolitude, on est pas loin du rouge. On est pas. Mais ce que je veux dire, c'est que les trois mis bout à bout à la suite, voilà, tu bouffes les trois à la suite de manière assez linéaire, en appréciant, hein. Mais après, bon, comme je t'ai dit, hein, j'en ai profité assez rapidement. Mmh. Mais c'est tout à fait le genre de son, par contre, que je te mets en fond. Ah, ça veut... ah, oui, ah, parce ouais. qu'on a eu un tout petit débat en off, et après on va arrêter parce que la capsule va être longue. Ouais. Mais où on, justement, moi, quand je disais en fond, c'était en fond quand je fais quelque chose, alors que pour Tonight, c'est en fond quand il y a du monde. Ouais, qu'on est en soirée, voilà. Machin. Alors, ça, on n'avait pas la même définition du en fond. Quand j'ai accès au son, j'essaie même mon son. Moi, ouais, je comprends. Et puis ça, c'est tout à fait le genre de son que je profiterai et d'essayer de me dire, hein, qu'il y en ait un qui dise que c'est pas bien, on va voir, tiens. Ouais, je comprends. Ouais, bon, bref. Bah, écoute. Voilà. Merci beaucoup, Tonight. Eh ben. On se voit dans une prochaine capsule. Bah, ouais, carrément. Bah, ça serait top. Bah, très vite, mec. À la prochaine. Salut, tchou. Or they try to...